On sait comment poussent les graines, on sait pourquoi brament les reines, on sait quelle taille avait Vishnu, on sait tout le quid est en nous. Mais vivre en paix ici-bas, on ne le sait pas. On peut se jeter dans le vide, on peut nager dans les rapides, on peut faire du ski dans les airs, on peut huchoyer l'univers. Mais vivre en paix ici-bas, on ne le peut pas. On apprend à manier l'équerre, on apprend à jouer au poker, on apprend à marcher au pas, on apprend à lancer le poids. Mais vivre en paix ici-bas, on ne l'apprend pas. La paix règne en toi et moi, claque tes doigts. Ça fait des pains. La paix règne en nous demain, frappe tes mains. Claque tes doigts, frappe tes mains, la paix règne enfin. La paix règne en toi et moi, claque tes doigts. La paix règne en nous demain, frappe tes mains. Claque tes doigts, frappe tes mains, la paix règne enfin. La paix règne en toi et moi, claque tes doigts. On pense à servir l'apéro, on pense à se brosser les crocs. Mais vivre en paix ici-bas, on n'y pense pas. On croit au signe de la chance, on croit aux produits de jouvence. On croit voir des petits hommes verts, on croit faire tourner les verres. Mais vivre en paix ici-bas, personne.